雑音指導。 Jean Dujardin, the artist. Et le César du meilleur premier film est attribué à... Parce que si je voulais me lancer dans la psychanalyse, j'ajouterais que c'est le roi des cons. Salut à tous et bienvenue dans Toiles et Sillons, l'émission qui écoute le cinéma. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, nous allons écouter des musiques de films, des chansons de films, et on passera un petit moment avec les 8 femmes de François Ozon tout à l'heure. Toiles et Sillons, c'est une émission de radio, bien sûr, et vous pouvez la retrouver sur Internet. Si vous avez manqué les anciennes émissions ou si vous voulez les réécouter, vous allez sur toilesetsillons.fr. Vous avez les émissions à écouter en direct, à télécharger, et surtout vous pouvez vous abonner au podcast pour les recevoir dans votre lecteur préféré directement chaque semaine, toilesetsillons.fr. On se retrouve aussi sur Facebook sur la page qui s'appelle Toiles et Sillons. On va commencer bien sûr en chanson. Je vous emmène en 1983 avec un film qui est devenu une comédie musicale sur scène. Elle est actuellement en France, d'abord à Paris et ensuite en tournée. Il s'agit d'un film d'Adrien Lyne avec Jennifer Beals et Michael Nouri. Il s'agit de Flashdance. On n'a pas oublié la chanson d'Irène Cara. Irène Cara qui sortait du succès 3 ans avant de Fame et qui rééditait cet énorme succès du disque, la chanson Flashdance, What a Feeling. C'est parti. First, when there's nothing but a slow glowing dream, that your fear seems to hide deep in inside your mind. All alone I have cried, silent tears full of pride, in a world made of steel, made of Irène Cara qui chantait What a Feeling, la chanson du film Flashdance. C'était en 1983, pile 20 ans après, en 2003, sortait le film de Tom Shadyac, Bruce Tout-Puissant, avec Jim Carrey, Jennifer Aniston, Morgan Freeman et Steve Carell. Bruce Tout-Puissant avec Morgan Freeman dans le rôle de Dieu, un Dieu noir. Vous pensez, ça fait un petit peu parler aux États-Unis. On va écouter la bande-annonce de Bruce Tout-Puissant et puis après je vous propose un extrait de la musique qui était signée John Debney et puis juste après nous irons sur le pont de Remagen avec Elmer Bernstein. Chérie, la pousse est l'heure. Non, je fais un beau rêve. Non. Your whole life, somehow. Grace, le chien! Méchant. Vous êtes-vous déjà senti? Ici Bruce Nolan pour Eyewitness News. Bruce. Très original, Bruce. Sous-estimé. Nous, en studio, on ne porte pas de filet à cheveux. Mon Dieu, pourquoi tu ne m'aimes pas? Vous êtes-vous dit que la vie... Hé, mais qu'est-ce que vous faites? ...était injuste? Allez! Et avez-vous déjà essayé de protester? De Dieu! Dieu t'en veut personnellement. C'est pas vrai! S'il y a quelqu'un ici qui ne fait pas son boulot, c'est toi! Tu es sûrement Bruce. Qui êtes-vous? Je suis Dieu. Sans blague. D'accord, combien j'ai de doigts, petit malin? 7. Ha ha! Depuis quelque temps, tu n'arrêtes pas de me faire des reproches. Si tu crois pouvoir faire mieux, c'est l'occasion. En quittant ce bâtiment, tu disposeras de tous mes pouvoirs. C'est bizarre, ce matin au réveillon, j'ai eu l'impression que mes seins étaient plus gros. Tu les trouves plus gros, toi? Plus gros? Tu t'amuses bien? Tout le monde en a rêvé. Tu as accepté ce boulot, je te suggère de te remuer. Vous avez des prières. Une histoire de pouvoir absolu. J'avais jamais vu une lune pareille. Je crois qu'on devrait en profiter. L'intervention divine. Sam! Et la preuve? Ici Evan Baxter, et voici les nouvelles du jour. Que le paradis... a un sens de l'humour diabolique. On dirait que mon nouveau confrère a besoin d'un verre d'eau. Jim Carrey. Allez, Moïse, en avant! Tu as tous mes pouvoirs depuis plus d'une semaine. Combien de personnes as-tu aidé? Enfin, il est trop tard pour ça, étant donné que tu es mort. Je suis mort? Non, non, non, je te fais marcher. Bruce, tout puissant. Thank you. Nous étions en 1969 dans Toiles et Sillons avec Le Pont de Remagen, film de guerre et d'aventure comme on en faisait beaucoup à l'époque, réalisé par un grand réalisateur anglais, John Guillermin, un film où on retrouvait George Segal, Robert Vaughn et Ben Gazzara. On va rester dans cette période, nous allons aller l'année d'avant en 1968 avec le grand délire psychédélique de Roger Vadim, Barbarella, avec Jane Fonda plus sexy que jamais, qui était à l'époque Madame Roger Vadim. On trouve aussi dans ce film Ugo Tognazzi et David Hemmings, entre autres. Eh bien, je vous propose d'écouter la bande originale, la bande-annonce, pardon, en anglais. Vous allez voir que c'est un film un petit peu barré quand même. Et puis juste après, un extrait de la bande originale qui était signée Michel Magne, figurez-vous, compositeur français. Le morceau La Grande Fugue, délire psychédélique de Roger Vadim dans Toiles et Sillons. Meet the most beautiful creature of the future. Her name is Barbarella, and she makes science fiction something else. Jane Fonda is Barbarella. Barbarella is a five-star, double-rated astronavigatrix Earth girl whose specialty is... love. Shall I tell you what I would like? I think I know. Her top secret mission is a real wing-dinger. I got him. Good many dramatic situations begin with screaming. Aswita Sonja! Aswita Sonja! Could you hand me a garment? See Barbarella do her thing with the nice angel. With the warm, friendly Iceman. With a cold, evil Black Queen. Hello, pretty, pretty. With the charming hand-to-hand Romeo. See Barbarella do her thing in the wild, excessive machine. Sort of nice, isn't it? In the biting birdcage, in the chamber of dreams, in the labyrinth of love, in the deadly dollhouse, in the palace of pleasure. Find adventure beyond your imagination when you get lost in space with Barbarella. Thank you. Toiles et Sillons est l'émission qui écoute tous les cinémas. La preuve, nous étions en 1989 avec le film Batman de Tim Burton, avec une musique signée bien sûr de Danny Elfman, le thème de Batman. Et puis à l'instant, c'était en 1972, Claude Lelouch avec Lino Ventura, Jacques Brel, Charles Denner, Aldo Maccione et Charles Gérard. L'aventure, c'est l'aventure. Je vous emmène maintenant dans les années 50. Effectivement, dans les années 50, dans une grande demeure bourgeoise et en pleine campagne. Les gens sont sur le point de fêter Noël, mais un drame se produit, le maître de maison est retrouvé assassiné. Le, ou plutôt la coupable, se cache parmi 8 femmes que fréquentait régulièrement la victime. Commence alors une longue journée d'enquête faite de disputes, de trahisons et de révélations. 8 femmes, 8 grandes actrices réunies par François Ozon pour ce film. Isabelle Huppert, Catherine Deneuve, Emmanuel Béart, Fanny Ardant, Ludivine Sagné, Daniel Darieux, Firmin Richard et Virginie Ledoyen. Avant d'écouter la bande-annonce du film et un extrait de la musique qui était signée Krishna Levy, je vous propose d'écouter l'intervention de Fanny Ardant et Catherine Deneuve au journal de 20h de France 2 qui parlent de leur relation sur le film et du film en général. 8 stars, on a du mal à imaginer l'ambiance sur le tournage et dans les coulisses. Est-ce qu'il n'y avait pas un climat de concurrence, par exemple, entre vous, Catherine Deneuve ? Non, enfin, on s'était pas consulté avant, mais franchement, non, non, non. Non, c'est vrai que ça donne pas beaucoup prise à ce genre de. On nous a posé la question beaucoup au début, puis je crois que très vite tout le monde s'est rendu compte que c'était pas vraiment l'actualité du film, parce que on était en groupe et je crois que c'est vrai qu'il y avait plus une atmosphère de pensionnat. Que de complicité. Ah oui, mais franchement, honnêtement, oui. Parce qu'on dit les égos des stars. D'abord, on n'est pas des stars, on est des actrices, puis on était 8. Vous savez, 8, ça devient une somme, c'est plus... Enfin, je sais pas, c'était un peu... C'était vraiment différent, quand même. Mmh. Vous, Fanny Ardant, on dit que vous étiez assez réticente. Vous dites, j'aime pas trop les colonies de filles. Vous avez dit ça à l'Agence France Presse. Oui, et puis je me suis trompée, parce que c'est vrai que... Ça, c'est Fanny, voilà. Oui, parce que on m'avait présenté ça sans hommes, alors j'ai dit des femmes entre elles, et puis... C'est vrai que c'est pas très naturel. Mais le cinéma, c'est très concret. Alors, on se retrouve avec une scène, plus une scène, plus une scène. Et de ces 8, elle se transformait en une plus une plus une. Mmh. Et tout. Moi, j'ai un très bon souvenir, comme du champagne. Est-ce que c'est flatteur quand même d'être dans un film comme ça ? On a l'impression un peu d'appartenir finalement à... À quoi ? J'allais dire presque une élite. On a choisi, on a choisi des stars, on a choisi les vedettes, les actrices. On n'a pas été choisi parce qu'on était des stars, parce que d'abord, c'est un mot qui est... Un peu quand même. Mais non, mais... Aussi parce que, si vous voulez, François Ozon voulait faire un film où il avait des personnages, et enfin il connaissait les personnages, il voulait trouver des actrices qui correspondent à ces personnages. On pourrait refaire la distribution, peut-être pas ici ce soir, mais la semaine prochaine, si vous voulez. On pourrait très bien imaginer d'autres actrices dans nos rôles. Il y aurait au moins 2 ou 3 distributions possibles, je pense, pour ce film. Non, c'est pas du tout... Simplement, il a été... C'est comme c'est quelqu'un d'intelligent et de très, très malin. C'est vrai que je crois qu'il a su très bien se servir de ce que nous avions déjà fait au cinéma avant, dans d'autres films, ne pas lutter contre, parce que c'est vrai que les actrices connues, on se dit toujours, mais il y a une espèce de flottement comme ça par rapport à d'autres films qu'on a fait avant, donc il s'est servi de ça, il y a des références, et même quand il n'y a pas de références, il s'est servi, je veux dire, de notre notoriété d'actrice. Lui, il dit quand même, il y a eu un peu de tension, et il dit, je me suis cantonné dans un devoir de neutralité pour ne pas avoir l'air de privilégier l'une par rapport à l'autre. Mais ça, c'est peut-être lui qui l'a vécu comme ça, mais franchement, nous, on l'a vécu comme une... Enfin, peut-être que lui, il était dans cet état-là, puisque c'est normal, c'est quand même lui qui portait le film, il était en plus cadreur, c'est vraiment un projet qui lui appartient complètement, donc je pense que c'était plus difficile pour lui que pour nous. Ça, c'est le plaisir d'être actrice, moi, je trouve, quand même, vous trouvez pas, c'est qu'on est interprète, on arrive, oui, on fait les choses, on n'a pas cette responsabilité de décision, de et tenir les choses. Et je pense aussi que la perversité de François, c'était, il savait bien ce côté, le cliché de l'électricité entre des femmes ensemble dans un vase clos. Alors, il a dû être un peu déçu, quand même. Oui, je pense, hein. Ou c'est comme si vous me faites un match de boxe. Vous imaginez toujours que les deux hommes se détestent, mais ça fait partie du plaisir. Mmh. Mais au fond, finalement, y avait pas tout ça. À la veille de Noël, dans une demeure isolée sous la neige... J'y vais, maman. La famille réunie. Ma chère vieille maison. Papa n'est pas encore réveillé à cette heure-là ? Il a dû travailler très tard hier dans sa chambre. Quand devrais-je, madame, réveiller monsieur ? Oh, pas tout de suite. Oh, des brioches toutes chaudes. J'ai droit qu'à du pain grillé, moi. Augustine est une vraie gamine. Ta mère est très gentille de tolérer ses petites manies sans se fâcher. Au fait, il est où, papa? Il n'est pas réveillé. Quel flemmard. Catherine, on parle pas comme ça de son père. Un peu de respect, tout de même. C'est le seul homme de la maison. Tu m'avais dit dès ma plus tendre enfance, bien mal acquis ne profite jamais. En grandissant au fil de l'existence, j'ai vu que ce n'était pas toujours vrai. Papa, papa, papa, t'es plus dans le coup, papa. Papa, papa, papa, t'es plus dans le coup, papa. Tu m'avais dit, ce garçon est volage, fais attention, il va te faire souffrir. Pourtant, près de lui, je vis dans un nuage, et le bonheur danse sur mon sourire. Ça y est, c'est fini ce boucan. Mais voilà qu'un meurtre est commis. Madame, monsieur est mort dans son lit avec un couteau planté dans le dos. Mais vous êtes folle, mais qu'est-ce que vous dites? Monsieur est mort, il y a du sang partout, c'est horrible! L'une d'entre elles est coupable. Laquelle? Qui a téléphoné la dernière? Qui hérite des biens de papa? Moi? Enfin, je veux dire nous. Ça c'est plus fort qu'on ne croit. On a coupé les fils du téléphone! Plus proche. J'ai pas pu le tuer! J'ai pas bougé de ma chambre de la nuit! Je suis décidée à vous soupçonner. Toutes. Je n'ai pas tué mon père, je le jure. Vous connaissiez monsieur avant, Louise? Oui. Pauvre Marcel. Il était bien à plaindre avec vous toutes. J'imagine qu'il vous payait. L'amour de l'argent vous étouffera, ma chère belle-sœur. Mais moi, je dirais des choses à la police. Des choses que je sais. Une, ici, travaille contre nous. Mes nerfs ne vont pas résister. Vous avez un amant, n'est-ce pas? Donc j'aurais tué mon mari parce que j'ai un amant. Si toutes les femmes qui ont un amant tuaient leur mari, il n'y aurait plus de mari sur Terre. Ni d'amant. Plaisir d'occasion et des projets au singulier. Mais quand arrive l'addition, il faut payer. Ah, quoi sert le vivre libre quand on vit? Et maman, qu'est-ce que tu fais? Rien. Rien, je discutais avec Pierrette. Nous voyons ça? Mais ce n'est pas du tout ce que vous croyez. On ne croit rien. On voit. Je pars pendant un an et quand je rentre, papa est mort. Aujourd'hui, je vois tout avec des yeux neufs. Qui est mon père? C'est un homme que j'ai aimé. Parfois, quand tu souris, je suis émue. Je te regarde, mais c'est lui que je vois à travers toi. Il n'y a pas eu un jour sans que je pense à lui. Et te voir, c'est à la fois une joie. Une souffrance. J'avais juste envie d'être belle. C'est le droit, non? Comment séduit-on un homme? La féminité, le charme, ce sont des armes qu'on a ou qu'on n'a pas. Vous trouvez sans doute plus désirable que moi? Le désir chez un homme n'est bien souvent qu'un vice qu'on cultive, n'est-ce pas? Non, j'ai vu d'autres choses sous ton lit. Qu'est-ce que tu as vu? Des valises. Remplies, prêtes à partir. Il faut quitter cette maison. Que personne ne bouge! C'est une question de vie ou de mort. Bon, on ne veut pas sortir du parc, on est enfermé. Elle a drogué mon porton. Ah, mais comment c'est possible? Votre parole n'a aucune valeur, vous n'êtes qu'une bonne. Mais c'est plus la clé! Votre parole n'en a pas plus, vous n'êtes qu'une putain. Ah oui, mais je préfère. T'aurais bien aimé toi aussi de taper papa. Hein. Tu n'es qu'une empoisonneuse, maman. Au sens propre et au figuré. Dommage, il a préféré la bonne. Fille ingrate! C'est pas vrai, j'ai jamais été tirée par Marcel. Pourquoi est-ce que tu aurais tué papa? Je ne pouvais pas le sentir. Aïe! Toi, tu ferais mieux d'apprendre ta géographie! C'est bien la première fois que tu t'occupes de ces études. J'en ai marre d'être votre bonne. C'est point Gabi qui a volé les titres de maman! Rendez-moi! Rendez-moi! Passez-moi votre chiffon là. Ah, ça se paye. Je veux que ça brille. Non, mais vous êtes complètement folle! Tuez-moi! Huit femmes. Thank you. deux films, deux époques de musique très différentes. Nous avions tout d'abord, après la musique de Huit Femmes, bien sûr, la musique de Pour qui sonne le glas, d'après Ernest Hemingway, avec Gary Cooper et Ingrid Bergman. C'était en 1947, un film de Sam Wood. Et à l'instant, un film de Gabriel Aguillon en 2000, avec Vincent Pérez, Fanny Ardant, encore elle, et Michel Serrault, Le Libertin. La musique était signée de Bruno Coulet. Et nous arrivons à la fin déjà de ce Toiles et Sillons. J'espère que vous avez passé un très bon moment à l'écoute de l'émission qui écoute le cinéma. On va se quitter avec un film qui va sortir, oula, dans très longtemps, à la fin de l'année. Mais c'est la première bande-annonce, la bande-annonce officielle qui vient de paraître. Alors on va pas bouder notre plaisir. C'est le troisième épisode des aventures de Bridget Jones qui, figurez-vous, va attendre un bébé et elle va être coincée entre les deux papas possibles, Colin Firth et Patrick Dempsey, le fameux docteur Mamour de Grey's Anatomy. Un film qui sortira au mois d'octobre, réalisé par Sharon Maguire, avec bien sûr Renée Zellweger dans le rôle de Bridget Jones. On va se quitter donc avec la bande-annonce de Bridget Jones et puis une chanson qui est extraite de la BO du film, qu'on va entendre dans la bande-annonce d'ailleurs, All My Hand de Jess Glynn. Je vous laisse avec Bridget Jones. On se retrouve très vite pour un nouveau Toiles et Sillons. N'oubliez pas le site internet toilesetsillons.fr et la page Facebook Toiles et Sillons. D'ici à la prochaine émission, portez-vous bien. Salut. Et donc, me voilà, entourée de mes amis et déterminée à vivre heureuse jusqu'à la fin des temps. Enfin, c'est ce que je m'étais imaginé. En fait, j'étais bien plus célibataire que prévu. Oh, la ferme-toi! Mais ne nous attardons pas sur le négatif, il y a beaucoup de positifs. Je suis totalement folle de ma nouvelle vie. J'occupe le prestigieux poste de productrice télé d'une émission d'info. Je cherche quelqu'un de dynamique pour challenger l'équipe. Qui est volontaire? Tu dois aller au petit coin, Bridget. J'entretiens de bonnes relations avec mes ex. Comment vas-tu? Très bien, merci. Et toi? Je vais bien. Un verre de vin? Un whisky, je vous prie. Un grand verre? Un double. Et ma vie sentimentale montre des signes d'amélioration. Oh. Permettez? Elle vous va? Mis à part un léger incident, je suis enceinte. Servi! Je maîtrise parfaitement la situation. Pour ainsi dire. Laisse-moi te regarder. Oh! Oh non, Bridget! Qui est le père? C'est Marc! Il y a au moins 50% de chance. 50% de chance? Vous avez fait ça à trois? C'est vous le papa, je présume. C'est bien que vous soyez venu. C'est un moment merveilleux et unique. Docteur Olix, je me demandais si vous pouviez me rendre un petit service. C'est vous le papa, je présume. C'est bien que vous soyez venu. C'est un moment merveilleux et unique. Standing in a crowded room and I can't see your face. Put your arms around me, tell me everything's okay. In my mind I'm running around a cold and empty space. Just put your arms around me, tell me.